faisait la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Quand on allume une lampe, on ne la cache pas sous un seau. Mais on la fixe bien haut pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. On allume une lampe, on ne la cache pas sous un seau. Le bien. péché, c'est la mort. Tout ce qu'on gagne avec le péché, c'est la mort. Mais ce que Dieu donne, c'est la vie pour toujours. Il l'offre, c'est gratuit, c'est la vie pour toujours. Tout ce qu'on gagne avec le péché, c'est la mort. Tout ce qu'on gagne avec le péché, c'est la mort. Mais ce que Dieu donne, c'est la vie pour toujours. Il offre, c'est gratuit, c'est la vie pour toujours. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tout ce qu'on gagne avec le péché, c'est la mort. Tout ce qu'on gagne avec le péché, c'est la mort. Mais ce que Dieu donne, c'est la vie pour toujours. Il offre, c'est gratuit, c'est la vie pour toujours. La vie pour toujours. La vie pour toujours. C'est la vie pour toujours. La vie pour toujours. C'est la vie pour toujours. C'est la vie pour toujours. C'est la vie pour toujours. La vie toujours. C'est la vie pour toujours. L'amour est patient, rempli de bonté. Il n'est pas envieux, il n'est pas orgueilleux. Il ne s'aigrit pas, n'est pas rancunier. L'amour ne connaîtra pas de fin. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour n'aime pas l'injustice et le mal. Il ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne connaîtra pas de fin. L'amour est patient, il pardonne tout. L'amour fait confiance, il espère toujours. L'amour permet de tout supporter. L'amour ne connaîtra pas de fin. Thank you. Je suis le pain de vie, dit le Seigneur. Je suis le pain de vie, dit le Seigneur. Je suis le pain de vie, dit le Seigneur. Je suis le pain de vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi, de l'eau jaillira de son cœur. Je suis le pain de vie. C'est dans le calme et la confiance, que sera votre force, que sera votre force, dit le Seigneur. Venez à moi, restez tranquille et vous serez sauvés, et vous serez sauvés, dit le Seigneur. C'est dans le calme et la confiance que sera prenez la vérité comme ceinture autour de la taille.